Hello, hello! Vous êtes bien sur le 89.5 et c'est Boogie qui va commencer. On laisse tourner le générique. Oye, braves gens, on se retrouve pour la deuxième émission de la saison. Au programme, il y aura pas mal de choses, de la bonne musique bien entendu, du blues et surtout du rock and roll. Ce soir, je vous présenterai le Rocking Velvet Tonight qui aura lieu à Monistrol le samedi 11 octobre. Et il y aura 3 places à gagner pendant l'émission. Vous appellerez au 04 22 91 98 68. Alors attention, le numéro de téléphone de la radio a changé. Je répète, 04 22 91 98 68 et uniquement pendant les morceaux. Autour de la table ce soir, je suis avec Muriel. Salut, rapproche-toi un peu du micro, bonsoir. Merci. Pascal, bien sûr, qui est là. Oui, salut, bien Pascal. Le bonjour, bien le bonsoir, Véro, David, content d'être avec vous. Salut Muriel. Salut, salut. Et puis une petite bise à Michel qui écoute du côté de la plaine du Forêt. On lui fait des gros bisous et on salue Véro à la technique. Salut Véro. Pascal. Bah oui, je sais pas par quoi tu veux commencer. Donc c'est vrai qu'il y a le Rockin' Velvet Festival qui Tonight. Va se dérouler à Monistrol. Exact. Mais avant, je pensais peut-être mettre un peu de musique, un peu de blues pour lancer l'émission. On va s'installer tranquillement dans l'émission. Et si vous en êtes d'accord, il y a quelques semaines, on a eu la chance de recevoir le dernier album des Shaggy Dogs, leur 9e album. Et moi j'avais envie de vous en passer un morceau parce que vraiment voilà, les Shaggy Dogs on les connaît. Ce morceau ne déroge pas à cet album ne déroge pas à la règle. J'ai oublié le nom de l'album, il s'agit de Pink Ball. Et si vous en êtes d'accord, je veux bien vous passer le premier morceau qui s'appelle Lee's the Man. Allez, c'est parti. Stay. Oh yeah, oui, tu le disais Pascal, toujours les mêmes recettes mais qui marchent à fond quoi. Oui, ça fonctionne, c'est du pub rock imaginé par Dr. Feelgood au milieu des années 70 pour c'est revenir ça. Un peu dans le rock and roll brut et frontal. Et cette chanson, c'est un hommage à Librio, c'est ça. Le chanteur de le pirate, le chanteur de originel de Dr. Feelgood, voilà. Le chanteur emblématique, on peut dire. Après, il y a eu d'autres chanteurs bien qui s'en sont extrêmement bien sortis. Au début, il y avait Librio et Wilco Johnson, Down by the Jetty et tous ces albums-là. Et les Chaggy Dogs sont un peu des staccanovistes du pub rock en France, quoi. Ils sortent des albums régulièrement, toujours la même recette, mais ça fait toujours du bien aux oreilles. Exactement. Et rappelle-toi, on avait aussi nos potes de Classic and Troubles à l'époque, qui marchaient un peu sur les traces du Dr. Feelgood, voilà. Et qui s'en cachaient pas d'ailleurs. Et chaque fois donc que ces mecs-là sortent un album, c'est une bombe pour qui aime le pub rock à forte influence blues. Voilà, un retour aux sources du rock and roll qui fait du bien. Voilà. Les Shaggy Dogs, littéralement, c'est les chiens hirsutes. Voilà. C'est ça. Je le savais pas, mais j'ai cherché, j'ai fait une recherche et j'ai trouvé. Les chiens hirsutes, c'était eux. Le hasard fait bien les choses, puisque j'ai cherché dans la malle aux poussières, la malle au trésor, j'ai retrouvé quelques petites pépites. Donc le hasard fait bien les choses, puisqu'on était avec les Shaggy Dogs, et là on va retrouver une chanson qui s'appelle Hound Dog. Ok. D'accord. Alors cette chanson a été écrite par Lieber et Stoller, Mike Lieber et Mike Stoller, un duo d'auteurs-compositeurs qui avait écrit cette chanson pour Big Mama Thornton. Elvis Presley l'a repris bien entendu et en a fait des millions de dollars. Ouais, bien sûr. Mais il faut savoir que ce duo a écrit des titres comme Jealous Rock, King Creole, extrait du même film d'Elvis Presley. Ils ont écrit la version originale de L'Homme à la moto que Edith Piaf a repris, Kansas City de Wilbur Harrison et énormément de titres de cette veine-là. Et dans ce genre d'auteurs comme ça, de duo, il y avait aussi Carole King et Jerry Goffin, et puis Mort Schumann et Doc Promus avec par exemple le titre Mess of the Blues. Mort Schumann qui a écrit aussi pour Elvis Presley, si je me souviens. Exactement. Donc tous ces gens-là se retrouvaient dans un quartier de New York qui s'appelait le Tin Pan Alley. Donc on ne va pas traduire, hein, c'est un jeu de mots. Le quartier des éditeurs en fait à New York, où tu pouvais faire retranscrire une partition. Et il y avait tous les auteurs qui travaillaient pour les maisons de disques, donc RCA pour Lieber et Stoller. Et là, je reviens sur un concert qui date de 2003. Rappelle-toi, on fêtait le centenaire du blues à l'époque. Donc premier morceau de blues historique où sont d'accord à peu près tous les musicologues, c'était Mamie Smith avec Crazy Blues, la première fois que blues est dans le titre d'une chanson. Et c'était donc ce concert-là se déroulait au City Music Hall de New York City, chapeauté par Martin Scorsese. Il y a énormément de musiciens. Et là, c'est Macy Gray, une chanteuse de soul, néo-soul, qui reprend Hound Dog, mais d'une manière tout à fait différente. Et j'ai envie de vous la faire découvrir. Oui. On parlera de cet artiste après, n'est-ce pas? Allez, c'est parti. Let's go. Let's get up and dance, cause it's Hound Dog time with Macy Gray. Yeah. concerts donc au Radio City Music Hall de New York, une salle célèbre sous la houlette de Martin Scorsese, qui avait produit des films, qui avait tourné un film qui s'appelait Du Mali au Mississippi à l'époque. Je ne sais pas si tu te souviens. Ouais, je me souviens de ça. Voilà, toute l'année 2003 avait été consacrée au blues via des films de Clint Eastwood, Wim Wenders, et puis des compilations, et ce concert qui concluait un peu cette histoire du blues. C'est ce que j'allais dire, c'est à la suite de ça qu'on a pu trouver dans le commerce les fameuses compilations Martin Scorsese présente. Exactement, exactement. Et donc Macy Gray, c'est une autrice, compositrice, interprète de Neo Soul, de Soul Music. Elle a sorti de vraiment de bons albums. Elle a ouvert une académie de musique aussi, du côté de Los Angeles, je crois. Et puis elle est actrice, elle a joué dans Paperboy, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Shadow Boxer, et on peut la voir dans certaines séries comme Ally McBeal sur 2-3 épisodes. Voilà, donc je voulais vraiment passer ce morceau. La batterie, c'est Steve Jordan. Et puis sur ce double album live, on retrouve des vieux lascars du blues comme Hubert Sumlin, Honey Boy Edwards, et des gens qui ne sont pas véritablement issus du blues, mais qui vénèrent cette musique, comme Chuck D, comme David Johansen des New York Dolls, okay, et d'autres personnages. Double album live que j'ai trouvé, voilà, dans la Malle au Trésor. Et cette version de Hound Dog, ouais, vraiment, vraiment, je l'aime beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais elle est très différente et elle y apporte sa patte, quoi. Très différente du standard qu'on a l'habitude d'écouter, qui a été repris et repris lui aussi un nombre incalculable de ouais, fois. Ouais, ouais. Puis ces deux auteurs, là, Lieber et Stoller, ont écrit tellement, tellement de chansons hyper connues que, voilà, ils font partie du patrimoine de la musique américaine, on va dire. Qu'elle soit blanche ou noire. Ok. On continue ? On continue avec toi et avec la dame que tu vas nous présenter maintenant. Alors, un personnage qui a longtemps lutté contre ses addictions, c'est Beth Hart. Alors, Beth Hart, qui a appris le piano très jeune, à 4 ans, je crois, et qui, depuis quelques années, est très connue parce qu'elle a travaillé avec Joe Bonamassa. Voilà, et uniquement pour ça, mais aussi grâce à son talent, j'imagine. Voilà, elle écrit de très, très belles chansons. C'est vrai qu'elle lutte en permanence contre ses addictions, ses problèmes de drogue et d'alcool. Et là, on va écouter une version vraiment atomique et revivifiante de World Total Love de Led Zeppelin. Oh oui. Alors, c'est un live au... Chouette. Ouais, c'est ça, ouais. Et c'est un live au Paradiso. Le club célèbre d'Amsterdam où sont passés les Stones, Stevie Ray Vaughan. Alors quand on parle de club, c'est pas comme un club à Saint-Etienne, hein. Il y a 500 ou 600 personnes. Et là, elle est avec ses musiciens et vous l'entendrez à la fin de la chanson. Elle dit « Putain, c'est meilleur que la baise ». Tout ça pour d'accord, vous dire d'écouter cette version de World Total Love de Led Zeppelin. Et je reviendrai un peu sur cette chanson après. Moi, je la connais, mais ça va faire du bien de l'entendre. Let's youhou go. Way down inside, honey, you need a come on. Talk to me, baby. Talk to me, baby. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Show. Elle le vit. Quelle claque. C'est chouette, ouais. Elle le vit vraiment. Elle n'essaye pas de faire du copier-coller avec Led Zepp. C'est ça, et ouais. Voilà. Donc, elle le dit dans ses interviews à l'heure actuelle. Elle dit, ouais, à cette époque, j'étais quand même bien fêlé, quoi. Hein. Bah, tu sais ce qu'on dit, hein. Heureux soleil fêlé parce qu'il laisse entrer la lumière. Oui, c'est oui, ça. Voilà. Il faut. Et elle est à fond. Il y a pas mal de proverbes comme ça. À fond dans des trucs pas top. Et je pense qu'avec sa collaboration avec Joe Bonamassa, ses derniers albums studio, elle est plus apaisée. Elle avait quand même été repérée dans un show de télécrochet, Still the Voice, tout ça, aux États-Unis, quoi. D'accord. Mais à 4 ans déjà, elle pianotait, elle jouait de la guitare. Ouais, non, vraiment une grande musicienne. C'est une enfant de la balle. Et, exactement. Et autant ça peut être un avantage, autant voilà, au fil des années. Moi, je vous conseille d'aller écouter ses derniers albums. Ils sont très, très bien. Moins sauvage. Et puis, je voulais revenir sur cette chanson. Moins sauvage, chanson. Mais alors, si tu permets, Joe Bonamassa, on sait qu'ici, Boogie, on n'est pas, c'est pas notre tasse de thé, parce que c'est très travaillé en studio, on en a parlé plein de fois. Mais et c'est toujours un peu étonnant qu'une artiste comme ça, qui justement aime bien les enregistrements live et qui n'a jamais mis un point d'honneur à la production en studio, se mettre d'un coup à se calmer, comme tu disais, et à enregistrer avec quelqu'un comme lui. Ils sont amis, quoi. Comme quoi, des fois, voilà, ouais, le fait de se rapprocher peut faire que musicalement, ça peut surprendre. Voilà. Et puis cette chanson, World Total Love, si vous prenez les premiers albums de Led Zepp, ils sont crédités à Jimmy Page. Si vous prenez les rééditions, ils sont crédités à Jimmy Page et Willie Dixon. D'accord. Pourquoi ? Parce que c'est un plagiat, en fait. C'est un plagiat d'une chanson qui s'appelle You Need Love de Willie Dixon. Et les ayants droit de Willie Dixon ont imposé, après un procès, à Jimmy Page de créditer ce grand auteur du blues qui travaillait chez Chess Records, contrebassiste, d'accord, chanteur, auteur, compositeur. Il a fallu un procès. Exactement. Pourtant, Jimmy Page s'est jamais caché qu'il puisait beaucoup de ses influences dans le blues. Mais là, il a fallu quand même un procès. Je trouve que c'est bien, c'est bien normal que Willie Dixon. Bah écoutez, You Need Love, Willie Dixon, vous tapez ça sur le tube et vous verrez avec... Il y a quelque chose. Ah, il n'y a pas quelque chose, c'est bon, le talent. C'est ça, d'accord. Ça n'enlève rien au talent de M. Jimmy Page, hein. On est bien d'accord. Maintenant, moi, je vous invite en Louisiane. Oh. En Louisiane, voilà. Louisiane avec un... Dans le bayou. Dans le bayou, exactement, avec un personnage qui a su mettre de la soul, de la country dans sa musique, du rock and roll, c'est Tony Joe White. Okay. Et là, j'ai récupéré un album au hasard à la maison. C'est son dernier disque, en fait, de 2018. C'est une voix quand même qui est assez sépulcrale. Oui, c'est comme ça qu'on dit, oui. Ouais, une voix qui vient d'outre-tombe. On sent qu'il est malade et qu'il veut rendre hommage à ses héros. Donc, il y a des reprises de Lightning Hopkins, de John Lee Hooker, des choses comme ça. Et Tony Joe White, c'était quand même un sacré personnage. Ouais, il nous a quittés en 2018. C'est ça. Et cet album est enregistré en 2018. Alors, c'est des accords de guitare faméliques, une basse, une batterie parfois pour soutenir le rythme. Et on sent vraiment que, voilà, il tenait vraiment à rendre hommage à ces grands monsieur du blues. Il a commencé vers 1969-70 avec une chanson qui a été un carton mondial qui s'appelait Rainy Night in Georgia. OK. Et Elvis Presley lui l'a bien rendu puisqu'il a repris une chanson à lui qui s'appelait Polk Salad Annie. Exact, et voilà. Et reprise Elvis aussi par le fameux Joe Dassin. Voilà. Et Elvis a fait un carton à Las Vegas avec ça. Et il est vrai qu'il a travaillé avec Joe Dassin pour un album de Joe Dassin d'ailleurs. Mm-hmm. Donc on trouve encore dans le commerce. Et puis il a bossé avec des gens comme Tina Turner. Ouais. Et là, donc, la Louisiane, on sent un mec au bout du rouleau, mais qui livre son testament en fait. Et là, on va l'écouter sur une reprise de Charlie Patton. Voilà, le créateur du blues moderne, comme on dit. Et ça s'appelle Down the Dirt Road Blues par Tony Joe White. C'est parti. C'est... They sing like murder here. They seem like murder. I ain't no sure. I'll be leaving tomorrow. I know you bid my cat. Dirt road by myself. Oh no. Can't go down any dirt road in the dark by myself. But my Lord, who are you gonna carry? I don't carry my baby. Gonna carry someone else. I'm going away. Tony Joe White. Ah, c'est du brutal, hein. Ouais. Wow. Voilà, c'est cru. Et le rythme, ça fait penser à Rolling and Tumbling. Ah, exact. Ce son brut. Bien entendu. Mm-hmm. Et voilà, il est à la voix et à l'harmonica. Brian Owings à la batterie. Steve Forrest à la basse. Donc, dernier album de Tony Joe White qui s'appelle Bad Mouthin, M-O-U-T-H-I-N, pour que les gens comprennent bien avec mon accent stéphanois. Et puis, je voulais revenir sur Paul Saladini. C'est vrai que Elvis l'a tellement chanté. J'ai un pote un jour, il m'a dit « Putain, ça craint Elvis qui chante sur une salade. » Non, c'est pas ça du tout. La Paul Salad, déjà, c'est une plante que l'on trouve en Louisiane et qui peut se préparer. Comme son nom l'indique, en une salade, on va faire un cours culinaire, tiens. Et cette plante a une particularité, c'est qu'elle a des tiges qui sont très très vénéneuses. Donc il faut savoir la cuisiner, parce que si vous vous trompez, vous pouvez mourir. Voilà. Et Paul Saladini, en fait, c'est une allégorie sur les pauvres gens du Sud, oui, qui n'arrivent pas à manger et à vivre en Louisiane et qui se nourrissent de ce genre de trucs. C'est pas une chanson sur une salade. Voilà, mon Steph, je te le dis si t'écoutes, hein. Donc là, on va continuer avec Heartbreak Hotel, dernière chanson de cet album. La boucle est bouclée, Elvis a repris Tony Joe White, et son dernier morceau avant de mourir, il a tenu à reprendre un morceau de Elvis Presley, c'est le blues Heartbreak Hotel. Comme tu dis, la boucle est bouclée. Voilà, allez jeter un coup d'œil sur cet album, Bad Mouthin, Tony Joe White, 89.5 sur Radio Audio, bien sûr. C'est parti. Since my baby left me, I found a new place to dwell. It's down at the end of Lonely Street, at Heartbreak Hotel. And I get so lonely, babe. Get so lonely. Still find some room for broken-hearted lovers to cry away. they're gone. They're gone. You make me so lonely, baby. I get so lonely. I could die. Tears keep flowing. The desk clerks dressed in black. They've been so long on lonely street. They ain't ever gonna look back. They ain't gonna look back. Que je pourrais mourir. Ouais. Alors Break Hotel, et là on sent qu'il veut enregistrer ce morceau dans la veine du blues du début. Le plus pur. Le plus pur et dur, avec des accords de guitare qui paraissent même parfois désaccordés, n'est-ce pas Muriel? Et cette voix d'outre-tombe, on sent que voilà, il livre son testament en fait avec cet album, et puis jetez-vous sur tout ce qu'il a fait, quoi. C'est ça. Et puis sa tonalité de voix là, très grave, très rocailleuse, ça fait beaucoup penser à la fin de carrière de Monsieur Johnny Cash. Voilà, exactement. Ouais. Voilà, avec aussi des chansons très très minimalistes, très très pures, avec la guitare limite désaccordée comme tu dis, et la voix rocailleuse qui tombe derrière. C'est dans l'esprit du blues originel, quoi. Voilà. On est loin de la super production d'Heartbreak Hotel avec les tics vocaux d'Elvis Presley. Là, il le fait à sa manière. C'est pour ça que j'aime ce genre de reprise, parce que c'est fait avec son feeling, son âme. Il ne cherche pas à imiter Elvis, il le fait à sa manière. Ouais. Et moi, je dis, la boucle est bouclée. Voilà. Ouais, Elvis lui a donné beaucoup d'argent via cette fameuse chanson. Et lui, son dernier morceau de son dernier album, Heartbreak Hotel, Je suis si seul que je vais mourir. Okay. Tony Joe White. Yeah. Ça marche, la boucle est bouclée. Tu parlais d'Elvis Presley, transition toute trouvée. Elvis Presley, c'est le rock'n'roll des débuts, c'est le rock'n'roll des années 50. Et un événement se prépare dans la petite ville qui n'est pas si lointaine de Saint-Thé, à Monistrol-sur-Loire. La sixième édition, déjà la sixième, du Rocking Velette Tonight, The Fabulous Rock'n'Roll Show, comme ils aiment à s'appeler, organisé par des bénévoles il y a déjà 6 ans, hein, forcément. Moi je suis présent toutes les années. J'adore cette ambiance. Les programmations sont à chaque fois complètement dingues. Et moi qui n'étais pas spécialement fan de rockabilly, si ce n'est des Stray Cats, il faut bien l'avouer, je suis carrément replongé dans cette ambiance l'espace d'une journée. Il faut savoir que toute la ville se met au diapason de cette ambiance 70s. 50s, pardon. Mais qui va jusqu'au 60s, pardon. Et voilà, avec tous les clichés d'époque qui vont avec une ambiance rockabilly, avec des gens qui se costument. Avec le soir du concert, mais ça commence bien avant dans la ville l'après-midi, avec des cours de danse, concert dans la rue aussi de petits groupes de rockab. Je ne sais pas qui c'est cette année, je crois que c'est le groupe qui s'appelle The Rocket, voilà. Ce sera à 16h30 en centre-ville. Il y aura des snacks, il y aura... Et les portes s'ouvriront à la Capitale à 19h30. Capitale, c'est la salle qui est tout près de Monistrol, là où se déroulera le show de la soirée. Avec sur le parquet ciré, pendant que les groupes défilent, et ben les gens qui dansent, hein, et pas forcément des amateurs de rock'n'roll, il y a même des gens qui sont vraiment de grands danseurs professionnels. Et avec les habits d'époque, parfois des défilés de bagnoles dans l'après-midi, on se retrouve vraiment dans une ambiance incroyablement rockabilly des années 50. Pascal, tu voulais dire quelque chose sur les années 50, peut-être ? Ouais, bah, va falloir acheter de la Gomina. Hein. Voilà. Alors, je peux te dire que là-bas, il y a de la Gomina, il y a des jupes en, comment on appelle ça, en fripon damier, et que ouais, tout le monde est tiré. Ceux qui se prêtent au jeu sont tirés à quatre épingles. Mais bien sûr, c'est ouvert à tout le monde. Appel aux Teddy Boys, aux Rockers et exact, à tous les danseurs de Hula Hoop. Voilà, avec des blousons en cuir et des... Ah, une mode qu'on a presque oubliée, qu'on revoit dans les films de Coppola ou dans les films américains parfois. Et c'est vrai que ce revival, ça peut faire du bien. Ouais, voilà. Ouais, le rockabilly, en fait, c'est la musique des Blancs du sud des États-Unis. C'est la contraction de rock and roll. Donc, bon, on ne va pas non plus faire l'étymologie du mot, mais Hillbilly, c'est intéressant parce que le Hillbilly, à la base, c'est un pauvre blanc du Sud qui vit dans la ruralité, au milieu des Noirs et qui n'a pas trop d'argent. Et aussi, ces gens-là qui vivent dans les montagnes des Ozarks ou du Piedmont, des Appalaches. Mm-hmm. Donc, on peut voir dans Délivrance, tu vois. Bon, ils ne sont pas tous sodomites, hein. Je vous rassure. Non, mais voilà, ce genre de personnes qui sont pauvres, qui n'ont pas d'argent, qui travaillent à l'open terre. Et le Hillbilly, donc, c'est devenu une musique... Autant il y avait les Race Records pour les musiques noires, autant il y a le Hillbilly. Donc on peut citer Bill Monroe, Jimmy Rogers. Et je vous conseille d'aller voir du côté de chez Frémo et Associés, une superbe compilation donc, consacrée à la musique Hillbilly, concoctée par Gérard Herzhaft, donc musicologue, ethnologue, oui, historien. Qu'on connaît ici à Boogie pour avoir souvent cité ses ouvrages. Voilà, donc je vous conseille d'aller voir cette compilation. Et ça va être, je pense, une très très belle journée à Monistrol. Il faut que le beau temps soit là, quoi. Ouais, voilà. Voilà, c'est toujours un peu ça. Après, le soir, ça pose pas de problème, c'est couvert, mais c'est vrai que si la météo est là, c'est toujours mieux. On aura trois places à faire gagner tout à l'heure, mais je vous lancerai dans les starting blocks au moment voulu, donc je le répète pendant les morceaux. Au programme ce soir-là, The Martians, qui est un groupe suisse, je lis le petit truc, ce pur rockabilly band vraiment venu d'ailleurs, percutant et corrosif, va nous transporter auprès des légendes du rockabilly. Ce que je vous propose, c'est d'écouter tout de suite un petit extrait de Martian. Let's go. We'll be right back. Voilà, The Martian, c'était juste un petit extrait parce qu'on n'a pas de titre et c'est une prise live. C'est un petit peu du bidouillage, mais ça n'a pas été évident de, ouais, de trouver les titres. C'est Carol. Ouais, de Monsieur Chuck Berry. Ah oui, il me semblait que j'avais quelque chose à... Avec le piano qui swing et la guitare qui twang. C'est ça. On aurait dit un petit peu du... Bon, allez, je ne vais pas me lancer dans des trucs comme ça. oui, donc je disais... on enchaînera avec les Daddy to the Rescue. Alors ça, c'est un groupe néerlandais. Je connais pas du tout, mais alors ce que j'ai vu, ça avait l'air de swinguer pas mal. Superbe formation en provenance des Pays-Bas. La famille Daddy avec Lady Laura au lead vocal nous emmène dans un rhythm and blues des années 40-60. Voilà, ce sera beaucoup plus rhythm and blues, mais ce sera aussi rock and rollesque. On en écoute tout de suite un morceau. Vero, c'est parti. Eh ben, c'est parti. Rhythm and blues. Taking the air, locked up in the barn with the greatest of care. Out in the henhouse, something stirred. When he shouted, "Who's there?" This is what he heard. There ain't nobody here but us, chicken. Ain't nobody here at all. We'll calm ourselves. Stop that fuss. Ain't nobody here but us. We chickens trying to sleep. You bust in. Hobble, hobble, hobble, hobble with your chin. There ain't nobody here but us, chickens. There ain't nobody here at all. We'll calm ourselves. Stop that fuss. You're kicking up an awful dust. We chickens trying to sleep. You bust in. Hobble, hobble, hobble, hobble. It's a sin where tomorrow. It's a busy day. Got things to do. Got actually. Got ground to dig. Work to scratch. Take a lot of sit to get in chicks to hatch. There ain't nobody here but us chickens. There ain't nobody here at all. We'll calm ourselves. Stop that fuss, you're kicking up an awful dust. We chickens try to sleep, you bust in. Hobble, hobble, hobble, hobble with your chill. Sit and get in chicks to hatch. There ain't nobody here but us chickens. There ain't nobody here at all. We'll calm ourselves. Stop that fuss. Ain't nobody here but us. We chickens try to sleep. You bust in. Hobble, hobble, hobble, hobble with your chin. Hey, boss man, what you say? Easy picking. Ain't nobody here but us chickens. Oh, yeah. Daddy to the Rescue, voilà, ce sera le deuxième groupe sur la programmation du Rocking Velvet Tonight. On vient d'écouter le titre Ain't Nobody Here But Us Children. Ouais, ça, là, ça l'a fait. Là, on pense à du rhythm and blues des années 40, Louis Jordan par exemple. Carrément. Tous ces musiciens qui ont plus ou moins créé le rock'n'roll, quoi. Mm. Voilà, c'est magique, il va y avoir une ambiance de fou. Bah oui, j'imagine, s'il y a la même ambiance que l'année dernière. Alors j'ai gardé le fascicule de l'année dernière. Voilà, il y avait eu Jack Calypso, Cecilia and the Candice King, ça avait cartonné aussi, et The Rats, un petit trio, power trio rockabilly français, mode Stray Cats, et tout avait marché, tout avait pris, c'était une ambiance de feu avec les gens qui dansent au milieu. Et à combien sont les places? Alors, les places sont en pré-vente en ce moment jusqu'au, je sais plus, jusqu'à bientôt à 20 euros. Voilà. 20 euros en pré-vente et 25 sur place pour les retardataires. Et permets-moi de te poser une question, David. Vas-y. Ce qui se passe l'après-midi à Monistrol, donc les voitures, le groupe dont tu as parlé, Rocket, je crois. Ouais, c'est ça. C'est gratuit. Tout ça, c'est gratuit. Ouais, okay. Bien sûr. Très bien. Et ça s'installe dans le petit centre-ville de Monistrol. Petite voilà, on va peut-être parler de Franck Conté, qui sera un petit peu le clou de la soirée, même si je sais que les organisateurs, ils aiment pas mettre forcément le dernier groupe, Franck Conté and the Gold Searcher. Mais voilà, je voulais passer un petit bonjour à Pascal, bien sûr, à Angèle, à tous les bénévoles qui se cassent la tête chaque année pour organiser très, très correctement cet événement. Et aussi dire qu'il sera présenté par Maddy qu'on avait reçu ici. Bien sûr. Et aussi Monsieur Billy Bigouret, que je salue. Monsieur Franck Conté, donc ce sera un peu le clou de la soirée, je le disais. Ah, Franck Conté, c'est une légende du rockabilly dans la région. Voilà, Franck Conté Trio, que j'avais vu en 1993 ou 95, en première partie de Chuck Berry à Montbrison, la fameuse année où Chuck Berry avait perdu son dentier sur scène. Ah, d'accord. Ça marque les esprits, quand même. Ça, c'est sûr que ça se... Le bassiste s'était avancé discrètement. Il avait ramené le dentier de Chuck Berry vers ses pieds. Enfin, bref. Non, et Franck Conté... Ça, c'est une anecdote qui vaut son pesant de cacahuètes. Ouais, ouais. Mais il y a eu plein de soucis avec lui à Montbrison cette année-là. Mais on est sur Franck Conté, c'est vrai que... Bon, c'était en quelle année, Pascal ? 1993 ou 95, je crois, à Montbrison. Ça remonte un peu, déjà. Les gens étaient offusqués parce qu'il avait joué qu'une heure. Bon, bah, quand on connaît Chuck Berry, tout de toute façon, c'est comme ça et pas autrement. Mais bon, parlons de Franck Conté. C'est un personnage très intéressant qui m'a envoyé son dernier album, donc, qui s'appelle The Last Ones, on pourrait dire Les Derniers Vivants. Hein. Et ce mec a d'autres particularités, c'est qu'il peint, il dessine, c'est un véritable artiste. Un artiste complet. Comme voilà, moi je vous conseille d'aller voir sur Internet ce qu'il est capable de faire avec un stylo bille, des portraits, des choses comme ça. Il a été maintes fois primé. Et puis il a la musique avec ça, quoi. Toujours ce rockabilly démentiel. Et j'ai choisi de vous passer un morceau qui a été joué 10 000 fois par Johnny Kidd and the Pirates. Je ne sais même pas si ce n'est pas lui qui l'a écrit. Moi, écoutez, tu peux donner le nom des musiciens. Ouais, là, je voilà, sais pas ouais, sous c'est yeux. Ce que j'allais dire. Alors que Monsieur Franck Conté, c'est des bien tueurs, sûr, hein. À la guitare et au lead vocal. Pascal Coquart à la drums. François Forestier à la basse. Et Monsieur Hervé Coquart, donc frère de l'autre, pédale style guitare. Ouais, c'est des légendes stéphanoises, ces gars-là. Donc, Franck Conté avec Gold Searcher, c'est le dernier album. Et moi, je vous une reprise, donc qui s'appelle Please Don't Touch. I'm shaking so much. I hope in my mouth, but the rest of me just wouldn't stop. Franck Comtet sur le 89.5, ouais. C'est Boogie. Oui, un guitariste extraordinaire. Et puis avec une section rythmique incroyable, quoi, hein. C'est un peu la légende stéphanoise, je le dis, je le redis. Là, ça tombe. Puis je ne sais pas si vous connaissez cette chanson, je vous l'ai dit. Il y a une reprise que j'aime beaucoup par Motorhead et Girls' School, le groupe de heavy metal féminin des années... Ouais, des années... Début des années 80. 80, oui. Voilà, avec Kelly Johnson à la guitare. C'est ça. Ils avaient fait une somptueuse version de cette chanson-là, parce que Lemmy était un fan de Johnny Kidd et les Pirates. Voilà, donc Franck Comtet excelle dans les reprises, mais il sait écrire aussi de très très belles chansons, quoi, dans une veine toujours rockable, qu'il renouvelle sans cesse, et on ne se lasse jamais. Cet album est un bijou, quoi. Voilà, Franck Comtet and the Gold Searcher. The Last Ones. The Last Ones. Voilà, je lis le pitch. Dans les années 80, un jeune rocker de fur écume les scènes hexagonales avec son groupe Rock Bonbon. Que de routes parcourues. Une vie rock'n'roll qui le propulse sur les scènes américaines et européennes. Et puis maintenant, on peut peut-être appeler. Ouais, voilà, les placements vont être à gagner. Je rappelle le numéro de téléphone. Donc vous appelez pendant le morceau, c'est le 04 22 91 98 68. Allez, on redit une fois. 04 22 91 98 68. Radio Dio. On lance le morceau, c'est parti Véro. Right back to the moon, that's cool. That's a rockabilly shake. Tell me if you want babaloo, my babala bamboo. I'm showing you the feeling of the bop. I'm giving you the tempo for the break. Be ready, ready, mambo, get along. Get ready, steady boy, to rock around the clock real soon. That's a rockabilly shake. Yeah, monsieur wow. Franck Comtet, on a hâte d'y être le 11 octobre à la salle de la Capitale à Monistrol-sur-Loire. N'hésitez pas à appeler. N'hésitez pas à appeler, c'est un exact. Nouveau numéro, hein, donc il faut le redire. Voilà, 04 22 91 98 68 pendant les morceaux jusqu'à la fin de l'émission, c'est-à-dire à peu près, on ne sait pas trop, 22h30, 23h. Ouais, 23h, ça sera bien, puisqu'il y a Muriel qui a quelque chose à annoncer aussi. Voilà, on donc, a des petits événements à annoncer. On doit parler un petit peu aussi du Rhino. Le Rhino a déjà commencé depuis un moment. La nuit du blues se profile le 18. On aura aussi des places à faire gagner dans l'émission prochaine. Et voilà, Pascal, je te laisse enchaîner. Bah vous aimez le rockab ? On aime le rockab, on est là pour ça, on aime. On est à fond là ce soir. Le rockabilly boogie, donc on va continuer avec un groupe qui s'appelle Full Brown Cherry, qui reprennent exclusivement du AC/DC sur cet album. Donc un titre écrit par Bon Scott, Angus et Malcolm, ça s'appelle Jerry Break. Wow. On écoute. There was a friend of mine on Monday that judges got a bail. Jury found him guilty, gave him 16 years in hell. I ain't spending my life here, I ain't living alone. Ain't breaking the rocks on the chain gang, I'm breaking out of hell. Gonna make a jailbreak, I'm moving towards the sky. Gonna make a jailbreak. I wish I could fly, all in the name of liberty, all in the name of liberty. Got to be free, jailbreak. Let me out of here, jailbreak. 16 years. Jailbreak. That one I can take. Jailbreak. Yeah. He said he sees his lady being fooled with by another man. She was dazzled, he was up. Had a gun in his hand. Bullets started flying everywhere. People started screaming. Big man lying on the ground with a hole in his body where his life had to be. All in the name of liberty. All in the name of liberty. I've got to be free. Jailbreak. Jailbreak. I got to break out. Ouais, puis n'hésitez pas à appeler, puis vous pouvez laisser un message sur la page Facebook de l'émission. Voilà, la page Facebook, on en reparle un peu. Boogie. On va essayer Boogie Radio Duo. Exact, voilà. Ouais. N'hésitez pas à laisser des commentaires et on va essayer de l'animer un peu et de passer des morceaux qui représentent un peu ce qu'on passe pendant l'émission. Ouais, j'aimerais quand même, je pense que Muriel et Véro sont d'accord, que tu récapitules un peu ce qu'il y aura exactement dans cette journée. À Monistrol, ça serait bien. Alors, voilà, pour que les gens viennent, qu'il y ait du monde, qu'on a envie de faire la fête. Alors oui, alors ça c'est le but, bien sûr. Il y aura du monde, hein, ça c'est sûr. Chaque année, le festival équilibre ses comptes et repart plus motivé que jamais. Alors ça va commencer tout de suite en début d'après-midi, vers 16h. Il y aura un concert en plein centre-ville, le groupe The Rocket. Voilà, il y aura des DJ, il y aura des stands, des snacks, il y aura peut-être un défilé de bagnoles. Ça, c'est pas sûr, mais c'est possible. Il y aura aussi des stages de danse. Alors ça, je sais pas comment ça se précise parce que j'y ai jamais participé. Mais entre 14 et 15 heures, il y aura des stages de charleston, avec un duo avec du Rocking Swing. Voilà. Retrouvez les infos sur le site. Vous pouvez aussi aller sur le site du Rocking Velvet Tonight. Voilà. Il y a un numéro de téléphone, Dave ? Rocking Velvet Tonight, il n'y a pas de numéro de téléphone. Je regarde. Non. Voilà. On n'est pas les partenaires officiels cette année, mais ça ne saurait tarder. Mais on participe grandement à Radio Duo à essayer de communiquer pour cet événement. Et le soir, ben, je le répète, ce sera dans la salle de la capitale, The Martian, Dead Is to the Rescue et Franck Conte qu'on a écouté tout à l'heure. Bon, on continue avec un grand guitariste de rockabilly. Oui. On en a parlé il y a deux semaines. De qui s'agit-il donc ? On a fait allusion à son orchestre de cuivre, 15 musiciens habillés avec des vestes brillantes, des pupitres, 5 ou 6 cuivres, c'est Brian Setzer. Brian Setzer, le grand. Orchestra. Alors, qui a permis dans les années 80 le fameux revival du rock and roll et du rockabilly. Et c'est au début des années 80 qu'il était invité dans une émission américaine, tu sais, le genre de late show ou les choses comme ça, où il y a un orchestre. Il était avec les Stray Cats et puis il voyait cet orchestre jouer avec énormément de cuivre et il a commencé à se dire ouais, ça serait pas mal de jouer de la musique avec ce genre de musicien. Donc ça a germé au début des années 80 et puis il a commencé à travailler avec des musiciens de jazz. Alors il disait, moi, pauvre guitariste de rockabilly, je bossais avec des mecs qui jouaient du Miles Davis, du Thelonious Monk, et c'était pas évident. Hein. Il explique que c'est pas comme créer un groupe punk dans un garage, hein, quand on bosse avec ces gens-là. Et donc l'idée est venue de jouer avec un grand orchestre comme ça, au début des années 90, 92, mais il le dit aussi. Ouais, quand les Stray Cats se sont mis en stand-by, hein, on en a parlé la dernière fois. Et puis surtout, les États-Unis étaient envahis par le grunge, Pearl Jam, Nirvana, et il s'est dit, putain, mais comment je vais faire pour expliquer aux maisons de disques que j'ai 8 cuivres, 15 musiciens en tenue brillante et tout, avec des pupitres et ma guitare, donc c'était pas évident. Et c'est un label filiale de Disney qui lui a permis d'enregistrer ce premier album. Et il a bien fait de continuer, puisqu'il a eu 3 Grammy Awards, il a eu un succès monstrueux avec le Brian Setzer Orchestra. C'est une fête monumentale, il existe un DVD au Japon où c'est de la folie, quoi. Alors, ça va loin, hein. Ils reprennent du Duke Ellington, du Elvis Presley, du Stray Cats. Il est avec sa guitare, les musiciens derrière, qui chaque fois, ils se lèvent, ils jouent. Mais enfin, c'est une fiesta monumentale. Et j'ai envie de vous faire écouter un des premiers concerts qui était à Québec, à Montréal. Donc, pardon, pas à Québec, ça s'appelle Hoodoo Voodoo Doll. Vous vous rendrez compte un peu de la musicalité de ce projet. Maintenant. We'll be right back. Waouh, waouh, waouh. Yes. Ça ouais. donne carrément envie de danser et c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer à Monistrol le 11 octobre. Ce son de guitare là, c'est typique d'une Gretsch 6120 je crois. Ouais, une ouais c'est très... ça, sa guitare emblématique qui doit être lourde comme le diable. Mais... Ouais, très caractéristique de ces gens qui jouent du rock and roll, du rockabilly. Elle était totalement oubliée au début des années 80. C'est lui qui l'a remis au goût du jour. Et Gretsch, il y a quelques années, a sorti un modèle Brian Setzer à 60 exemplaires. Je crois. La guitare vaut une guitare customisée, vaut une petite fortune. Voilà. Le Brian Setzer Orchestra, pas trop de blabla. On va continuer avec une chanson écrite avec Joe Strummer. Alors, on peut penser que ces gens-là se sont rencontrés autour de la musique, mais non. Brian Setzer a rencontré Joe Strummer autour de leur amour. Je parle comme Johnny. Leur amour. C'est pas grave. Johnny, c'était un rocker, qu'on le veuille ou non. Non, non. Et ils se sont rencontrés autour de leur amour pour les vieilles Cadillacs des années 50. Et puis, ils ont décidé d'écrire quelques trucs ensemble. Et ça donne cette chanson-là qui s'appelle Ghost Radio. Was a running and ran me out of time. I was racing through the rain with this rain from Tennessee. A voice cut through the static, bringing comfort home to me. They were saying, I ain't sitting in no shack. I got me for right out the back, so come on and roll me over. I hit them up in flat. With a honky tonk attitude, doing the straight line swing. Come on and grab your horseshoe, throw it in the ring. Rocks are rolling from the ridge. The announcer broke in saying, there's a bus trapped on the bridge. So I turned my rig around. I was axle deep in buggy. Found those people stranded. The bridge was burning in the flood. You can hear them saying, I ain't sitting in no shack. I got me four right at the back. So come on and roll me over. I hit the end of the flat. Honky-tonk attitude. Doing the straight line swing. Come on and grab your horseshoe. He said that can't be right. So I knocked out the radio tower late last Saturday night. But through the static we heard singing, I ain't sitting in no shack. Got me born right out the back. So come on, roll me over. I hit the end of the track. Honky tonk attitude, do the straight line swing. Come on and grab your horseshoe. Morceau en live. Ouais, et quand on écoute bien, on se rend compte du travail d'arrangement qu'il y a, d'orchestration. C'est du lourd, quoi. Ouais, pour régler tout ça, ça a dû être un boulot phénoménal. Ouais, et puis voilà, moi je conseille deux albums, Dirty Boogie ou Vavoom, les deux albums emblématiques de ce groupe-là, ou cette compilation live, Montréal et l'autre, je crois qu'elle est au Japon, à Tokyo, je crois. Voilà, donc... c'était le Brian Setzer Orchestra avec une petite page bien rock'n'roll là depuis 25 minutes, 30 minutes. Ouais, on aime bien ça dans Boogie. Hein. Et puis allez, avant que Muriel nous parle un peu de son projet qui lui tient à cœur, à l'entrepôt le 30 octobre, je sais qu'il nous écoute, il y aura le groupe les Turbo Aces, je crois que c'est un groupe hollandais, et en première partie nos potes de Brand New Eight. Brand New Eight. Voilà, le 30 octobre, donc à l'Entrepôt Café à Saint-Etienne, et on leur fait un coucou. Et j'espère que ça danse là-bas, que ça crie, que ça hurle, quoi. Ouais, il y a des chances, ouais. S'ils nous écoutent, on les salue bien en tout cas. On va enchaîner avec toi, Muriel. Oui. Tu vas nous présenter un événement qui va avoir lieu bientôt. Oui, qui a lieu le 10, 11, 12. Octobre à Savigneux, et donc c'est organisé par l'association Rosen qui s'occupe où ils vont être présentés une quarantaine d'exposants, artisans du bien-être, créateurs locaux, et il y aura des animations, des ateliers le 11 et 12, samedi 11 et dimanche 12. Et le vendredi soir, le 10, il y a une projection, le mystère de la chambre Safran. Voilà, donc tout ça, c'est dans une ambiance chaleureuse, solidaire et bienveillante. Voilà. Et donc, tout ça se passe à Savigny. C'est organisé par une association ? Oui, donc qui propose des soins de bien-être naturels par rapport au cancer. D'accord. Donc, à Octobre Rose, qui est organisé... qui est un événement national. Un événement national, voilà. Oui, je crois qu'il y a une marche aussi, non ? Oui, il y en a plusieurs. Ouais. Il y en a plusieurs. Je n'ai pas les dates exactes. Mais je sais que Moron en organise une. Et voilà, tout ça est sur Savigneux. Et on va passer à la pub pour le verre à soie, qui est Place d'Orient, et un morceau des Stéphanois, Terre Noire, un fou dans la voiture. Est-ce que Paris est antifasciste ? Est-ce que Paris est antifasciste ? Et un fou au volant de la voiture, il tourne à droite, maman très à droite. Et un fou au volant de la voiture, il tourne à droite, il tourne à droite dur. Et un fou dans la voiture, il tient le volant, il tourne à droite, il tourne à droite dur. Maman et un fou dans la voiture. Il tient le volant, il tourne à droite, il tourne à droite, il tourne à droite, dur, c'est pas de la maladresse. Ça se voit que c'est pas de la maladresse. C'est le mal, c'est le mal. Est-ce que c'est le mal, ça? C'est le mal, ça? Est-ce que c'est le mal? Ou c'est le mal? Est-ce que c'est le mal, ça? C'est pas de la maladresse. N'est pas le paradis. Les stars ne sont pas sympathiques. Pas besoin d'être tout en paradis. L'enfer n'est pas le paradis. Où est le paradis? Casino gagne toujours à la fin. Les puissants veulent garder tout ce qu'ils ont. On se fait manger par des images. T'as pas besoin de la douvrada. Et un fou au volant de la voiture, il tourne à droite, maman très à droite. Et un fou au volant de la voiture, il tourne à droite, il tourne à droite dur. Et un fou dans la voiture, il tient le volant, il tourne à droite, il tourne à droite dur. Maman et un fou dans la voiture, il tient le volant, il tourne à droite, il tourne à droite, il tourne à droite dur. C'est pas la maladresse. Ça se voit que c'est pas la maladresse. Est-ce que c'est le mal ou c'est le mal? Est-ce que c'est le mal, ça? Ou c'est le mal, ça? Est-ce que c'est le mal? Ou c'est le mal? Est-ce que c'est le mal, ça? Ou c'est le mal, ça? Est-ce que c'est le mal? Oui, c'est le mal. Est-ce que c'est le mal ça? Oui, c'est le mal. Est-ce que c'est le mal? Oui, c'est le mal. Est-ce que c'est le mal ça? Oui, c'est le mal ça. Il y a un fou au volant de la voiture. Il tourne à droite, maman très à droite. Il y a un fou au volant de la voiture. Il tourne à droite, il tourne à droite dur. Et un fou dans la voiture. Il tient le volant, il tourne à droite, il tourne à droite dur. Maman est un fou dans la voiture. Il tient le volant, il tourne à droite, il tourne à droite. Ne restons pas silencieux face à ce qui arrive. Faites du bruit, Paris. Voilà, c'était le groupe Terre Noire. Merci, Muriel. C'est pas le genre de musique qu'on écoute à Boogie, voilà, mais c'était complètement différent. C'est, voilà. Mais c'est le groupe Terre Noire qui est de Terre Noire, de comme Terre son nom l'indique. Voilà, tout à fait. Qui ouais. Ont une sacrée reconnaissance. Voilà. Ouais, et une sacrée pêche. Une sacrée pêche voilà. Des jeunes gens du quartier qui est pas loin d'ici. Oui, puis, on est voisins. Puis il va se passer une belle chose donc avec Octobre Rose. Et, voilà, comme tu l'as dit, ça va être sympa. Quoi. À Savigny, ouais, ça va être bien. Dans la plaine du Forêt, à côté de Montron. Hein. Voilà, okay. Tout à fait. Avant mon présent. Voilà, moi, je te remercie. Je voulais parler d'un autre événement qui va avoir lieu. La radio est partenaire. Il s'agit des lectures des milliers de mots pour Gaza. Voilà, c'est un événement sur 3 jours, les 3, 4 et 5 octobre, c'est-à-dire ce week-end, et qui... Et qui va organiser donc des lectures. Donc il y a pas mal de lieux qui sont concernés. Hein. Librairie des Intrus, la bibliothèque Les Cheminots, Terrain d'Entente, je ne vais pas tous les citer, mais Théâtre Le Verso, voilà, qu'on salue, qui ont aussi des attaches ici. Le Lieu Rouge, le Petit Boulogne. L'une et l'autre, c'est une librairie. La MJC des Tilleuls aussi, qui connaît bien la radio, la friterie. J'ai vu aussi qu'il y avait La Dérive, l'entrepôt café, bien sûr, comme d'hab. Amical Lake du Crédroc, le Méliès, l'Estanco et le Choc Théâtre. Voilà. Véro, tu vas participer un petit peu à cet événement. Tu vas faire la technique d'une émission qui aura lieu dimanche, c'est ça? Oui. Elle a parlé. Coucou. Bon, il fallait quand même, parler oui, de ça. Alors, c'est... dimanche, vous m'entendez? Oui, oui. Bien. Samedi et dimanche sur Dio. Samedi à 18h, il y a une émission. Et dimanche de 14h jusqu'à 20h30 et compagnie. Enfin, voilà, ce sont essentiellement des lectures. Traversée poétique dans la ville, lecture résistante à Saint-Étienne. On a fait notre job de communicant sur cet événement. C'est parfait. J'enchaîne sans aucun lien, mais bon, c'est pas grave. Hein. Ça va être dur, là. Hein. Voilà, il n'y a vraiment aucun lien. On a reçu, c'était au mois de juin, hein, Véro. Hein, et maintenant, Metallica. Non, mais pour la question palestinienne, elle est en plein dans l'actualité en ce moment. Je pense que c'est pas mal que des gens s'occupent de tout ça, quoi. Ouais. On sait pas ce qui va se passer. On vit dans un monde de plus en plus dangereux et ça fait grave flipper. Voilà. Bon, la page est tournée. Alors, je te disais, Véro, au mois de juin, on avait reçu cet album, cette nouveauté. Qu'on a mis un petit bout de temps à écouter, mais finalement, ben ouais, il s'agit d'un duo de ce qu'on appelle parfois un peu bêtement le dirty blues, le hard blues. Ouais, le blunk. Voilà, voilà. Et ça, c'est un groupe, c'est un duo, c'est un couple en duo composé de Greg et de Léa. Lui est un guitariste façon White Stripe et elle joue des percus et elle chante aussi par moments dans ce duo. Ça ressemble, bah oui, beaucoup au White Stripe, mais quand même, ça, moi, j'ai accroché pratiquement sur tous les morceaux. Pas seulement sur l'aspect du son, mais j'ai trouvé que, ouais, qu'ils avaient une certaine personnalité. Puis j'ai lu aussi dans leur bio qu'ils avaient fait des premières parties assez intéressantes hein, depuis la création du groupe 2016. Jeff Beck, voilà, Les Vampas, Del Grez, Aaron Jones et aussi Laura Cox. On peut écouter tout de suite le premier morceau, parce qu'on en passe en un second, Mr. Catfishman. One Rusty Band dans Boogie sur le 89.5. Pascal, ça t'évoque ouais, quelque j'aime chose. Beaucoup. Bah, c'est Johnny Hooker, c'est ZZ Top, voilà, c'est du gros son, limite hard rock, quoi. Ouais, c'est ça. Léa, donc, est au tap dance, au washboard, au chœur, au cymbal. Et Greg est au chant, à la guitare, à la grosse caisse, à la caisse claire, à l'harmonica. C'est ça, ils font pas mal de bruit pour deux. Hein. Ouais, c'est deux one-man band en fait. C'est ça. Ouais, non, c'est pas mal. C'est distribué par Inouï et backstage, je crois. À découvrir. C'est le troisième album. Le deuxième album avait eu un succès d'estime et puis ça a l'air de prendre. On va tout de suite écouter un deuxième morceau. She's a Vagabond. Band, des nouveautés comme ça, ben merci au label, hein, on en redemande, on reçoit de moins en moins de disques à la radio, mais quand on a des trucs comme ça, ben on est content de les diffuser. Ouais, n'hésitez pas, et puis on espère que ces gens-là vont venir du côté de Saint-Etienne, voir Lyon pour nous faire un petit coucou, quoi. Voilà. Parce qu'en concert, il y a une énergie heavy rock, démentielle. Ouais, ils auraient pas de mal à enflammer même une petite salle, quoi. Voilà. Alors eux, c'est des gens qui sont passés de la rue, hein, parce qu'ils chantaient dans la rue. J'ai lu un petit peu leur truc là, et ils sont passés de la rue à la scène en rencontrant des gens qui trouvaient qu'ils avaient toute leur place pour passer un niveau au-dessus, et ça a l'air de fonctionner, voilà. Et ça fonctionne, quoi. En plus, la prod, elle est très bien. Ouais, voilà, c'est bien enregistré, et voilà. Donc, des nouveautés comme ça, n'hésitez pas, les labels, les maisons de disques, on est preneurs. Un petit coucou à Pascal, à nouveau, hein. Oui, bah, écoute, des petits messages comme ça, si tu te régales derrière ton tuner, nous, on se régale aussi à faire cette émission deux fois par mois, et on va continuer. Ouais. Et merci à toi d'écouter, en tout cas, et à très bientôt. Ouais, Boogie, maintenant, c'est un mercredi sur deux, de 21h à 23h à peu près. Voilà, on prend plaisir à être ensemble. Ce soir, nous sommes avec Muriel, et ça fait du bien de se retrouver entre potes. Je voulais juste dire, pendant les morceaux, vous pouvez toujours appeler pour les places qui n'ont pas été gagnées, 04 22 91 98 68, pendant les morceaux. Ouais, redis-le ce numéro de téléphone, parce qu'il faut que les gens s'y habituent, doucement. 04 22 91 98 68. Radio Dio. Boogie, boogie, boogie. 89,5 MHz. Yeah. C'est bien de parler avec cette voix douce, surtout que nous allons aller dans la fureur de la ville de Détroit maintenant, Détroit, Michigan, avec un concert anniversaire du MC5. Il y a pas mal d'années, le MC5 sortait un live Kick Out But Jump Motherfuckers, et cet album est enregistré en live. Il reprend exactement la playlist du disque dont je vous ai parlé précédemment, avec, il n'y en a plus qu'un, avec Wayne Kramer à la guitare qui est parti depuis, avec Brendan. Pourquoi ils écrivent si petit sur les CD? C'est une bonne question. Je vais acheter le vinyle parce que je n'y vois plus rien. Quoi. C'est peut-être que nos yeux faiblissent aussi. Non, Brendan Carty, donc Matt Cameron, Billy Gould, donc de Faith No More, Kim Tahill et Marcus Durant, donc qui sont là pour célébrer cet album live. Et on va écouter un morceau de John Lee Hooker qui s'appelle Motor City is Burning. Ça avait été écrit à l'époque où il y avait eu des émeutes raciales à Détroit dans les années 60 pour les droits civiques et tout ça. Et John Lee Hooker avait écrit ce morceau. Et le groupe révolutionnaire du MC5 avait pris un malin plaisir à le rejouer une autre lecture donc de ce titre avec des guitares qui débordent de partout donc, et ce nouveau line-up qui souhaite un anniversaire à cet album mythique quoi, Kick Out But Jump Motherfucker. C'était je crois enregistré à l'époque je me rappelle plus la salle de Détroit, c'est pas grave. Donc Wayne Kramer, Brother Wayne, et je vous invite à lire le livre qui est génial autour du MC5 qui s'appelle Guitar Army Revolution, donc qui est sorti au Rivage Rouge. Allez, on envoie donc Motor City is Burning. My heart can't burn it down. gonna say your mama, papa, don't know what the trouble is. Yeah, yeah, yeah. They can't see what it's all about. Oh yeah. I said your mama, papa, don't know what the trouble is. Yeah, yeah, yeah. They watching Fox News. They can't see what it's all about. What it's all about. You know, they get the news from reading the newspaper. You know, folks, sometimes you gotta get out there. Get out on the streets and check it out. MC5 avec Wayne Kramer, paix à son âme, qui est un des guitaristes les plus importants de l'histoire du rock'n'roll, peu le parrain du punk. Après, aussi, le MC5 et la déconfiture, c'est ce que j'allais dire. Il s'est retrouvé dans la cam, accro, il a dealé, il a été en tôle, et puis la résurrection avec des albums magnifiques, toujours empreints de gros rock'n'roll de Détroit. Et ce mec a été le parrain de nombreux groupes de jeunes punks, en réalisant des compilations, en produisant des jeunes groupes. Groupe de rock légendaire. Et puis revenir sur la ville de Détroit, Michigan, MC pour Motor City, parce que c'était la capitale de l'automobile aux États-Unis. Aujourd'hui, une ville en perdition, mais Détroit, c'est la Motown, c'est la Soul. Détroit, c'est le blues. Hastings Street, le ghetto qui est détruit maintenant, c'est devenu des autoroutes. Détroit, c'est le rock'n'roll bruyant du MC5, de Bob Seger, de Mitch Ryder. C'est une ville qui est incontournable dans l'histoire du rock. Et cet album est magnifique. Au même titre que Chicago, mais pour d'autres raisons. Exactement. Et cet album est magnifique parce qu'il y a ce live, donc, qui reprend presque l'intégrale du fameux album Kick Out the Jam. Et puis, un album d'inédit avec pas mal d'invités. Et Wayne Kramer qui est présent avec la guitare qui chapeaute un peu le tout. Voilà. Donc jetez-vous sur ce putain de double disque. C'est du rock'n'roll comme on aime. Ouais, comme on aime ici à Bouki. On va revenir à du rock'n'roll qu'on aime aussi. On en a passé un début d'émission, on a attaqué avec ça. J'avais très très envie de passer un autre morceau des Shaggy Dog sur cet album, leur dernier album, Pink Ball. Je vous propose d'écouter la plagiste. Talk too fast, tu parles. Confidence and doubt. Living your life like a billboard machine. Trying to cope when you never came in. Shaggy Dog. Ouais, allez-y, c'est un... Fast. Ça, ça. Ils, moi, n'ont, c'est... ils n'ont jamais sorti un mauvais album. Ça dépote. Ouais, ouais, ouais. Ouais ça, c'est évident. Ça, c'est sur quel label, David ? Tu me poses une colle. On trouve de partout, de toute façon. Hein. Ouais, c'est ça. Backstage Record, c'est ça ? Ouais. Distribué par Inouï. Comme d'accord. Ça. Et le titre de l'album, excuse-moi ? Le titre de l'album, c'est Pink Balls. D'accord. Donc, on va pouvoir le trouver chez nos potes de Forum. De Forum, ouais, sans problème. Chez Forum, Manu. Forum, qu'on salue d'ailleurs, voilà. Les amis de Forum. Hein, ouais. Chez Manu, à Leclerc Culture en Andrézieux. Dans toutes les bonnes boucheries régionales. Voilà. Allez-y, c'est des groupes français comme le précédent. Il faut acheter les disques, il ne faut pas se contenter de les télécharger et tout. C'est très important pour ces gens-là, quoi. Alors, je vais citer des musiciens. Red au chant et à l'armo, Jacker guitare, Thomas à la basse, Vince batterie percu et Ben piano, orgue et chœur. Voilà, donc j'ai repris l'habitude, David, Muriel, Véro, de mettre un petit bouquin... voilà, parler d'un petit livre chaque semaine. Et là, bon, bah, je remercie déjà Evelyne de me l'avoir offert. Hein. Et ça s'appelle « Guitare mythique et musicien de légende » avec une super photo de Jimi Hendrix. C'est écrit par Julien Bitoun. Alors, Julien Bitoun est très connu pour avoir travaillé avec Extreme Magazine, Guitar Part. C'est un guitariste qui fait pas mal de tutos, de choses comme ça sur Internet. On a pu l'entendre sur Oui FM, France Inter, sur pas mal de radios. Et là, il nous dresse le portrait de 100 musiciens accompagnés de leur compagne à 6 cordes. Donc ça va de Robert Johnson à Jimi Hendrix, en passant par Joe Bonamassa. Et à chaque fois, donc, c'est un bouquin très agréable, des photos superbes, et puis les petits secrets d'accordage des musiciens. Alors quand on m'a offert ce livre, je me suis dit « ça sera trop pointu pour un mec comme moi qui ne joue pas de guitare ». Et non, justement, le mec a le talent okay. De faire passer le message. J'imagine avec j'imagine que la guitare a autant d'importance que le guitariste dans voilà, son c'est ça. Ses récits. Il dresse vraiment le portrait de la guitare et du guitariste. Alors, par exemple, l'Ibanez okay. Signature de Joe Satriani, la fameuse Gretsch de Brian Setzer. Et puis, des petits encarts comme ça, avec une discographie sélective de chaque musicien. Je trouve ça très intéressant pour pouvoir connaître la musique du gars. Et puis, par exemple, 5 pédales d'effet qui ont changé le monde. Donc, avec la fuzz, la wah-wah... moi, je trouve que c'est très, très intéressant. C'est très bien mis en page. Qu'est-ce que j'ai encore là ? Bah, le kit Tom Morello, en sous-titré Monsieur Bricolage. Oh, voilà. Oui, oui, parce donc, que lui, il bricole ses pédales et ses guitares exactement. D'une façon comme un artisan. Quoi. Avec des photos magnifiques et c'est très, très ludique. Donc, allez-y, achetez ce bouquin. Donc, c'est sorti aux éditions L'Imprévu. Julien Bitoun, guitare mythique et musicien de légende, sans portrait pour tout amoureux de musique comme nous et pas uniquement des guitaristes. Pas uniquement des guitaristes. En plus, les guitares, c'est... qu'il présente, c'est des bels objets, quoi. Ouais. Voilà, quand on voit une Stratocaster ou la Les Paul de Jimmy Page, on ne peut que rêver. Par exemple, ici, Lucille de B.B. King, et il explique un peu comment cette guitare a été vendue. Ces guitares s'est améliorée au fil du temps. Font partie intégrante de la légende du rock'n'roll. Et du blues, voilà. Et du donc, blues, bien sûr. Ok, allez-y, on le mettra en photo, je pense, sur la page Facebook de l'émission. Donc, guitare mythique et musicien de légende, Julien Bitoun, aux éditions de L'Imprévu. Ok. Il est 22h53, 22h53, toujours pas d'appel. Vous pouvez appeler pendant les morceaux le 04 22 91 98 68. Je vous le rappelle, 3 places à gagner pour le Rocking Velvet Tonight du week-end du 11 octobre. Allez, moi j'ai bien envie de vous passer un morceau très lourd, un blues I Ain't Superstitious, écrit par Willie Dixon, dont je parle au début de l'émission. Et là, c'est repris par Carlos Santana et Johnny Lang. Alors, un album de Santana où il ne fait que des reprises avec des invités, comme ça, on peut écouter du Deep Purple, du AC/DC, des choses de ce style, toujours avec la magie de la guitare de Santana. On en pense qu'on veut, mais mais c'est un énorme guitariste. Ah ouais, on peut pas trop dire le contraire, de toute façon. Ce titre, c'est en regardant un film l'autre jour que j'y ai pensé. C'est la bande-son du film Dernier Rempart avec Schwarzenegger. Voilà, si vous êtes fan des Frères Dardenne ou de Truffaut, c'est pas la peine. Mais voilà, le morceau est à l'image du film I Ain't Superstitious, Johnny Lang, Carlos Santana. Ça envoie du très très lourd et c'est très bien, très bon. Black cat crossed my train. Carlos Santana et la voix tellement reconnaissable de Johnny Lang. Voilà, le pitch du film, c'est des narcotrafiquants qui doivent traverser un petit village de l'Arizona et c'est Schwarzenegger le shérif. Je vous laisse imaginer. D'accord. Et en regardant ce film, j'aime bien m'éclater, tu vois, Predator, tous ces films-là. Moi, je suis un peu bourrin, tu vois. Et... En fait, ouais, en termes de cinéma, on regarde ce qu'on aime. Voilà, donc Predator, merde, il est génial. Il aurait dû mériter 3 Oscars. Enfin bref, donc et au générique, j'entends ça, je dis, mais putain, tu l'as quelque part et je l'ai retrouvé parce que je trouve que cette version est belle. Alors c'est vrai qu'il y a une grosse production, mais Johnny Lang, la voix de Johnny Lang, c'est magique, quoi. Ah oui, oui, oui, elle est reconnaissable entre mille et moi j'adore ce timbre de voix. Et un petit coucou à un des plus fidèles auditeurs, si ce n'est le plus fidèle, peut-être Manu. Bien, ouais, peut-être bien Manu, on te salue, c'est vrai que alors, depuis dit, des années on t'a pas aperçu, ouais. Mais... Il me dit qu'il est un peu perdu, alors c'est simple Manu, c'est une semaine sur deux maintenant de 21h à 23h, n'est-ce pas Dave? C'est ça, c'est les nouveaux horaires et la nouvelle programmation sur la grille. La prochaine c'est le 15. C'est ça, le 15 et octobre. Voilà, est-ce que tu peux lui redonner la date il a gagné 2 places. Okay. Tu peux lui redonner la date, s'il te plaît, exactement du festival et l'endroit. Comme ça, il va bien l'écouter et voilà. Ça sera cool. Alors, c'est le samedi 11 octobre. C'est à la salle La Capitelle, à Monistrol-sur-Loire, en Haute-Loire, dans le département d'à côté. C'est à 20 minutes de Saint-Étienne. Tu trouveras sans problème, Manu. Voilà. Monistrol, le 11 octobre. À partir de 20h le soir. Hein. À partir de 19h30, l'ouverture des portes. Très bien. Donc, voilà, Manu, tu viens avec ton ami, il n'y a pas de problème, vous avez gagné 2 places. Ok. Bravo. Je note son nom sur le. Mais son nom, je le connais. Donc, très bien. Je vais faire passer ça aux organisateurs. Bah, on a passé un très, très bon moment. Merci, ouais, Muriel. Je t'en prie. Merci à toi, Muriel. Véro, merci. Technique impeccable, une fois de plus. Ouais, Véro, ouais. Bravo. Pascal, formidable. Et puis, bon, merci de m'accueillir dans cette émission, quoi. Parce que je prends plaisir énorme à reparler de musique, de blues. Donc, merci Véro, merci David. Je suis très heureux d'être avec vous. Merci, cool, ça nous fait plaisir. On va terminer l'émission avec quelqu'un qu'on aime beaucoup ici, qu'on en a passé moult fois. On l'aime beaucoup, c'est Monsieur Bruce Springsteen, c'est le rocker états-unien préféré de beaucoup de monde. Un peu aussi pour annoncer que peut-être au mois de novembre, enfin avant Noël, on fera une spéciale Bruce Springsteen. Je vous parlerai du concert de Marseille où j'ai assisté et où j'ai vraiment pris un plaisir immense. Et puis, bah, y a des sorties aussi. Il y a le fameux coffret qui est sorti. Oui, Tracks 2, donc avec 7 albums originaux de 1983 à 2018. Donc, 7 projets très, très spécifiques de Springsteen. Voilà, c'est 250 euros le coffret en CD. Tu as eu la chance d'acheter... Enfin, la chance. J'ai économisé 6 mois. La joie d'acquérir cet objet. Ah. Et le 17 octobre, il y a un coffret Nebraska C'est là où je voulais en venir. Voilà, donc l'album folk, un des plus grands albums folk pour moi de l'histoire. Et puis l'album électrique, et puis plein de d'extraits de concerts, de choses comme ça. Le 17 octobre, le coffret va être dans les 52 euros en CD, je crois. Et des chutes de studio, des choses qu'il n'a pas mis à l'époque. Voilà, toujours très prolifique, Bruce, qu'il n'avait pas mis sur l'album Nebraska et qu'on a la chance de retrouver aujourd'hui grâce à ces rééditions de coffrets. Moi, j'ai eu la chance qu'un ami m'offre l'album Lost and the Found, qui est en fait le résumé du coffret. Et je cache pas ma joie à vous passer la plage numéro 5, Something in the Well. Vraiment un morceau tout droit sorti des chutes de Nebraska ou de cette période en tout cas. On écoute ça tout de suite. Oui, bah, Pascal. C'est le dernier morceau, donc moi je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée. À toi aussi. On se retrouve. Merci Muriel. On se retrouve dans les meilleures conditions. Merci oui. Muriel. Merci Véro. Merci à vous. Le 15, on merci parlera beaucoup du Rhino. Merci David. Puis je vous souhaite à tous de très bonnes semaines. Et ne laissez pas passer n'importe quoi entre vos oreilles. C'est ça. Bruce Springsteen sur le 89.5. Woke last night to that same sound. First I thought it was you breathing. Got out of bed and went to the window. Just as the cloud rushed across the moon. Baby, baby, there's something in the well. There's something in the wheel. Lately I've been watching that corner of the field, out where the old black willow fell. Things can seem so safe and sure, but you can never really tell. Baby, baby, there's something in the well. Something waiting in the well. I boarded up myself back a lot of years. It's too long a story to tell. There was no more sadness, no more tears. And since I got it, it went. Well, there's some secrets that should never be told. There's some words that should never be said. I know there's things in this world, babe, should stay locked up forever inside our heads. Baby, baby, there's something in the well. There's something in the well. Folks in town forgot, now they don't much care. See quiet years pass, but I could still feel it there. Snow melted off the fields, summer crops came through. Still it stayed silent. I made you. Well, last night, darling, I did sleep naked on the dark spring ground. Leaves in the trees came alive and spoke to me, and I could feel the dirt beneath me moving around. Hill well was torn open. I stared down near the muddy darkness. My black tears fell. Stars spread their false light on the earth. Moon slipped from the sky and fell. Well, my love for you came rushing forward, and my fear and hatred as well. If things can seem so safe and sure, but you can never really tell, there's something in the world.